rime puissante, B1 de G Prod. XPERT, t'es pas encore parti. Si t'as toujours envie d'écouter un rappeur en herbe, on a le temps, on fait ça bien. Même quand ça bise, la braise depuis qu'on a mis le feu. Destin feutré, mes textes stylés, écrit au feutre ou au stylo, des pages au kilogramme, toujours antigradées. Crasseuse est mon écriture, car poisseuses ont été mes années d'études. Petit tube trop souple, souvent j'avoue, un petit tube à processus, ça c'est sûr, tout le temps je m'enterre pour écrire. Je sature, la santé de mes sauts s'empire, je rature, mon vœu rassurant. Des gars des flots, j'espère que t'as une bonne assurance. Rime puissante, j'puise en moi, alors c'est cru, désolé. Épuisant, c'est la vie, on écrit triste, isolé. B1 et mes proches, c'est la synergie. Et mes gars me disent, s'immerger. Rime puissante, j'puise en moi, alors c'est cru, désolé. Épuisant, c'est la vie, on écrit triste, isolé. B1 et mes proches, c'est la synergie. Et mes gars me disent, s'immerger. Des mauvaises veines nous, tombent du ciel par digène. Toujours une faute de l'hymne nouvelle pour dormir trop. De stress, faut savoir où sont ses limites. Les mecs, de plus en plus je me lamente. Obligé, merde, je suis perdu. Dans un présent, brouillon, plus d'embrouille. Mais je braille par manque de maille, mec. Je mitraille mes pensées noires sur vieux feu. Emmuré dans mon passé, ouais frère. Ça faut bien, je préférais n'avoir rien à redire. Être plein de radis, trop glauque et lourd pour la radio. Souriant et ouvert quand je suis radieux. Ravi comme un trave au bois de boue. Trop sec, je me rends compte une fois debout. La balle déjà d'être en bonne santé. Sous tasse, y'a plein de couleurs dans ma tête. Foutaise, c'est gris, rien que de le dire. La joie s'abrège. Du sable dans les rouages. Trop grugé la vie pour pas avoir de compte à rendre. Faut truquer, le vice permet d'essayer les cons. Rime puissante. Rime puissante, tu puises en moi alors c'est cru, désolé. Épuisante est la vie, on écrit triste, isolé. B1 et mes proches, c'est la synergie. Et mes gars me disent, s'immerger. Tu comprends? Parce qu'on n'a pas de billet qu'on s'enlise. Quand je paiera, je vais entendre, gros il est conscient lui. On s'ennuie, on sait pas quand on va toucher le fond. On s'est fait niquer, mat l'euro à la place du franc. C'est pour cela que je crie, que j'écris. Avant que les cours s'effondrent, j'ai repris des forces. Loin en moi, éviter les soucis, ça y a toujours moyen. Même quand manque la maille, j'ai brisé la chaîne, manque un maillon. Alors les wacks baïonnés, mon rap une baïonnette. Si déménage app, c'est que le bail est honnête. Même quand c'est die pour écrire, je dois m'y remettre. Je dois toujours élever le niveau de mes rimes. Rimes puissantes, puis en moi alors c'est cru, désolé. Épuisante c'est la vie, on écrit triste, isolé. B1 et mes proches, c'est la synergie. Et mes gars me disent, s'immerger.